On se retrouve aujourd'hui pour notre émission quotidienne de tous les mercredis de 16h à 18h. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Lola. Bonjour. Ça va ? Ça va. On est enfin là, tous les deux. Et on va peut-être commencer à se représenter pour que les gens nous connaissent mieux et même qu'on te connaisse enfin. Bah moi je vais me représenter une première fois, je m'appelle Mathis du coup et je suis en terminale SMG et nous sommes là pour nos études et pour la suite pour nous aider dans nos études. Et toi ? C'est également le cas, du coup on est camarades de classe et voilà. Et on va bien commencer cette émission, du coup on commence à écouter notre musique, Maria Joanne. Conceptualiser notre émission, donc les émissions qu'on a eues auparavant où j'étais en votre compagnie, c'était des émissions à thème, donc le premier c'était le thème Nouvel An et l'autre c'était le début d'année justement. Et là on va vous expliquer comment vont se passer nos émissions toute l'année quand il n'y auront pas de thème spécial comme le Nouvel An ou notre émission qui aura bientôt lieu, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, dans nos émissions, on va mettre de tout type de musique. Que ça soit du portugais. Du latino, du français. Des années 80, ou etc. Et nous ferons dans nos émissions de 16h30, vu qu'on est là de 16h jusqu'à 18h, on aura notre première chronique à 16h30, qui sera tous les tops mondiaux. Alors aujourd'hui, le top 3 sera le top 3 en France de la semaine. Et les autres semaines, ils changeront. Et pour la deuxième chronique, ça sera à 17h30. Où ça sera l'horoscope du jour. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit, on va essayer de régler ce problème. Donc, comme tu disais, l'horoscope de la journée Du jour, avec tous les signes, bien sûr. Donc, on se retrouve pour nos chroniques et tout au long de cette émission. Appelez-nous au 02 38 43 48 00 pour nous dire vos musiques que vous souhaitez, vos dédicaces et tout cela. Si tú eres Special Edition.

pode testar. Meia dúzia de cama. Chorei, tô com saudade, mas eu nunca te liguei. Talvez vai superar, mas vai passar o que eu passei. Meia dúzia de cama. Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei. Talvez vai superar, mas vai passar o que eu passei. Por lágrimas. Gustavo Lima, Denis DJ é o nome dele. Sua Melania. Nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va a subir. presión. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. Et nous allons passer du coup à notre chronique de top 3 en France. Alors la musique qui est apparemment le top 1 en France en ce moment est une musique qui est sortie il y a pas très longtemps, de Teddy Swin, Lose Control. Qui est sorti le 15 septembre 2023. Du coup, bah, on vous laisse écouter ce top 1 de la France de la semaine. Sorti le 28 juillet 2023. Prochaine musique qu'on écoute est de beaucoup de chanteurs qui ont fait une collaboration, qui est Petit Génie, une musique incontournable sur les réseaux, à la radio, et qui est le top 3 en France de la semaine. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé. Tu peux chercher mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps elle parle d'amour, elle veut faire tout pour nous. Tu connais bon qu'à ça, hein? Tu connais bon qu'à ça, hein? Tu connais bon qu'à ça, ouais. Tu connais bon qu'à ça, ouais. Oh. J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, tout est plein. Fais en un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le chaud pour dans l'allée. Elle veut se caler, je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça. C'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex et tes chouchous sont passés. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Au 02 38 43 48 00 pour nous. Désolé de ce petit problème de micro. Alors comme disait Lola, n'hésitez pas à nous appeler au 02 38 43 48 00 pour nous dire votre son qui serait pour vous dans le top 1 en France de la semaine ou au Portugal si vous nous écoutez, ou n'importe, peut-être en Corse parce que la semaine dernière on nous écoutait en Corse. Alors du coup on continue à écouter Farruko. Con todo el mundo encima, video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía: está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde viene. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que la tarde no me decía. Un lado para el mundo a la joda. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso un lado para el mundo a la cuando no tengo ya manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. Lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. Jacob. Shadow Tower. From Miami. Directamente desde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el Nazareno, y te da consejos buenos. A quien no mires a quien, dale la mano al caído. Y si acaso mi hermano ha sido, dale la mano también. Et voici I Love You de Dadju et Taïk. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh c'est lui qui sait, mais son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes,

voilà, j'espère que ma musique vous a plu, que vous avez aimé vous ambiancer dessus. Et pour la prochaine musique de Bombo Cash, je souhaitais dédicacer cette musique à Manuel de Arojo, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Car c'est une adhérente qui vient régulièrement à nos balles et qui nous écoute très souvent. Alors on lui fait un gros bisou et un très bon anniversaire. Gelado, não aguento viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, aí o mundo para com o nosso amor. Calado, só deseja te encontrar. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, aí o mundo para com o nosso amor. Chuca, dale yuca, malanga. Dale, dale, dale, cumbia, eriza, tanga. Parruco, manco, salsa y chino. Pásame el boli, nos fuimos, dale. Hoy te he visto muy bonita caminando. Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Seguridad hace que paguen los billes. Tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller. Chapi, fuego. tacones, pantalones, corto vestido, taco y bajo mamá. Como hielo en su tiempo, todo el mundo la ama. Vestuario fino a la moda y elegante. Cuando se quita esto parece la mujer del Gantel. No le hables de dinero, que ya no ten eso. Tráele detalles y besos en exceso. Yo me la como entera hasta que llegue el hueso. Que nadie la toque, que por ella caigo preso. Tú lo que era una fresca, una lassi. Como pitbull, vente montado en el taxi. Que eres fina, eso te la creo casi. Pero te gané, pues si le metí tú a la noche. La puse a capullarle en el porqué. Los pantisitos eran dulce. Y se cinga después de las 12. Pero ya, ya. La cumbia. The most winning. I am Chino. Farruko. Yeah. El Alfa. Omar Ford. El Alfa. Pitbull. República Dominicana. La Tower. Puerto Rico. El Stripper's with me. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Nous allons écouter une musique Sinto Mi Sexy de Anna Mayo en dédicace à Madame Moutineau. Qui nous remercie les deux animateurs, donc Mathis et moi-même. On la remercie. Et elle fait une dédicace aussi à ses belles filles, enfants, petits-enfants, pour leur dire qu'elle les aime très fort et qu'elle ne leur dit pas assez. Donc c'est très important de le dire. Très très important. Et toi, tu le dis à ta maman? Oui. Ouais, ouais. Ben, on va écouter la musique de Anna Mayo. Faites comme Madame Moutineau, appelez-nous au numéro que vous connaissez par cœur, le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à 6 mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Où

venue du Portugal. Et DJ Mock nous fera danser au départ, mais aussi à la fin. Reste avec nous. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Levanta no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate, levanta no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate, levanta no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Se te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo amaré. Vida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá. Tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Oh, oh, oh, oh. Báilame, báilame. Oh, oh, oh, oh. Que las penas se van bailando. Oh, oh, oh, oh. Conmigo y mueve los pies. Continue toujours dans notre émission, dans la même ambiance, dans la bonne énergie. On est là jusqu'à 18h pour mettre vos musiques, vos ambiancer, s'amuser avec nous. Donc n'oubliez pas que notre prochaine chronique qui sera sur l'horoscope du jour commence très bientôt, dans 12 minutes. Dans 12 minutes pour être plus précis. Et on vous attend nombreux et dites-nous, appelez-nous pour savoir si vous voulez savoir votre horoscope du jour. Até o padre ajudou, aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela. Nós apertamos. lembras amor, como tudo começou, se te esqueceste eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. A querer nos ver acertar e para me encorajar, ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou nossa paixão, nesse baile de verão. Malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela. Sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Et pour la prochaine musique, on va écouter de Corazón Dividido de Tania. C'est une dédicace de Alexane qui veut faire passer un message à ses parents, à sa maman et à son papa, qu'elle les aime très très fort et qu'elle veut leur montrer qu'elle les aime, même si elle ne le dit pas souvent, hein, et plus précisément à son papa. Elle m'a fait part comme quoi elle lui souhaitait pas, elle lui disait pas assez qu'elle l'aimait. Alors, elle lui dit clairement devant plein de gens qui l'écoutent qu'elle l'aime. Et à sa maman aussi, mais à sa maman, elle lui dit plus régulièrement. Donc on continue en musique avec Corazón Dividido. parlant de messages d'amour, comme Alexandre vient de faire à son papa et à sa maman. Pour le bal des amoureux qui arrive très prochainement, le 3 février. Oui, le bal des amoureux qui sera animé par DJ Monka au tout début de la soirée. Après, avec l'artiste talentueux Zéamar et ses musiciens. Et on finira de s'amuser avec DJ Monka jusqu'à la fin de la soirée. Pour cela, n'hésitez pas à nous appeler pour acheter des billets en pré-vente. Et on se rejoint là-haut le 3 février à 21h. On continue en musique. Que é de vampiro, dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, o amor me deu ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher, por favor. Passa na barriguinha, até na cinturinha, remexe. sur l'horoscope du jour. Donc, en ce 10 janvier, nous allons parler de 5 signes. Et oui, 5 signes qui se passera donc dans chaque émission. Nous choisirons 5 signes. Et au passage, on vous expliquera à la fin comment nous allons choisir nos signes de chaque semaine. Alors moi, je vais dire au hasard un signe que j'ai envie que tu me le dises, ok? Ok. Bélier. Alors Bélier, en amour, vous serez à l'écoute de votre partenaire. Pour ce qui est de l'argent et du travail, vous serez bien dans votre peau et ça se verra. C'est tout? Non, je rigole. Bon, c'est déjà bien. Alors, un autre signe, tu veux? Oui. Taureau. Alors, taureau. Donc, en termes d'amour, vous rêvez tout haut. Vous vous sentez le cœur libre et l'amour vous tend les bras. Pour ce qui est de l'argent et du travail, un accord en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Un horoscope très précis pour lui. On va passer à ton signe astrologique, le... Cancer. Donc, pour l'amour, ça sera une journée remplie de rebondissements. Si vous aimez les surprises, vous serez gâtés. Pour ce qui est de l'argent et du travail, si vous avez d'importants projets à mettre en route, faites-le maintenant. Ah, bah, il faut que tu fasses ces projets maintenant, Lola. On va passer au meilleur signe du zodiaque, pour moi, qui est Lion. Alors, pour Lion, en termes d'amour, bien sûr, vous vous laissez guider par votre sensualité, sans même en avoir conscience. Pour ce qui est de l'argent et du travail, tout ce qui concerne les transactions financières est hautement valorisé. Un très bon horoscope pour moi-même. Et on va passer au dernier signe, le poisson. Alors, le poisson. Pour l'amour, il est temps de prendre les décisions qui s'imposent. En termes d'argent et de travail, vous serez très apprécié par vos supérieurs. Il faut dire que vous saurez mettre vos compétences en avant et c'est assez nouveau pour être souligné. Eh ben, bien merci Lola de nous avoir lu les 5 horoscopes de la semaine. Alors, pour faire les horoscopes, comme Lola nous a tous dit, nous allons faire des sondages sur nos réseaux sociaux. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur Instagram. On a créé une page Facebook et Instagram pour notre émission à nous, donc avec vous. Et vous pourrez venir nous abonner et répondre à tous nos sondages. Pour les sondages, du coup, on vous fera sur des musiques que vous voudrez écouter dans notre émission, sur l'horoscope, comme Lola vient de le faire, et sur les top 3 qu'on fera. Ça sera, vous choisirez quel est le pays que vous décidez de choisir, le Portugal, la France comme aujourd'hui, ou n'importe quel pays du monde. Donc, le nom de notre réseau, c'est avec, vous, radio. Que ça soit sur Instagram ou Facebook. Et pour plus facilement nous repérer, si vous suivez le compte de la radio Arc-en-Ciel, ils nous partagent quelques publications que nous partageons déjà. Donc, je vous incite à aller voir leur page et nous suivre. Donc, on va continuer notre émission dans la musique et dans la bonne humeur. On est là jusqu'à 18h. N'hésitez pas à nous appeler au 02 38 43 48 00. essayer. Comment veux-tu qu'elle trouve sa peur sans même le suivre? Et elle m'a dans ses baskets. Elle nous met tous dans le même sac. Et elle nous prend pour ses affaires. Tous les jours elle change de sac. Ma jolie jolie, arrête de les accumuler. Ma jolie jolie, jolie, arrête de les accumuler. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ta braguette sur elle t'a fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre ici ont fini brisés. T'as fini au sol, au sol, au sol. Ma jolie, tous tes plans ont échoué. Tous tes vices, moi je les ai déjoués. Tu pensais que j'allais succomber. T'as peur de la chute, je vais te laisser tomber. Ce serait mieux qu'on en reste là. Elle me dit ne me laisse pas. Et bien que pour une raison, c'est fini, on en reste là. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle m'a brinqué contigo en la cama. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle non liga, se no desgrana. Elle les a fait tomber. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ta braguette sur elle t'a fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre ici ont fini brisés. T'as fini au sol. Au sol, sol, sol, sol. Au sol, sol, sol, sol. Avec la fête de l'épiphanie, du coup. Oui, les galettes de roi. Alors, Mathis, quel est ton goût préféré d'une galette? Alors moi, j'aime bien la classique frangipane, mais je ne dis pas non à celle au chocolat. Nutella ou chocolat? Nutella. Moi, peut-être poire chocolat, j'aime bien. Poire chocolat. Ouais, c'est un peu original. C'est un peu original, mais maintenant, ils font des galettes de tout, de toute façon. Oui, il y a framboise et plein d'autres. Même tarte à thym. Tatatin, pas mal. Franchement, on vous souhaite de très bonnes galettes et peut-être appelez-nous pour dire comment vous faites vos galettes, parce que moi je sais pas vraiment comment on fait des galettes. Tu sais comment on fait? Bah, pas vraiment. Bah, appelez-nous pour nous dire. Y camina sin paraguas, no te importa a quién eres. Yo sé que al final del día, por las noches tú me piensas. Eres más que un desquerado, un bandido y sin vergüenza. Por eso vas a rodar, por eso vas a rodar. Como aquella piedra en tu camino. Por eso vas a rodar, por eso vas a rodar. Pero no vas a encontrarme for a while. Am I dreaming? Then don't wake me up. Stay for a while. I just want that this never will stop. Counting my heartbeat, counting my heartbeats. Hey. Every minute and second you're with me. Is this for real? I gotta know. I gotta know what the sound in my body reveals. Counting my heartbeat, counting my heartbeats. Hey. Every minute and second you're with me. On continue avec une dédicace de Zoé qui nous dit une très bonne émission, qui nous remercie de toute cette émission, de toutes les musiques qu'on met, du bien-être qu'on donne aux gens. On la remercie aussi, on va écouter Ivandro Chakra. Trabalhar pra realizar todos os sonhos. Cheio de esquema sério, hoje estamos nós. Já me atrasaram, duvidaram para dirigir. Querem resultados, mas não correm os fins. Vocês não mudaram, ainda não pegaram a vista. Vocês pelo prato, querem saber do business. Minha gente só queria subir na vida. Tantos problemas, ainda por cima não guia. Para poucos chave, quem quer estar em casa e não ter luz. Ver a despensa e não ter nada para descer o bus. Está na altura de meter os quadros bolas. Aplicar o nós, encontrar saídas. Quando eu sou jovem, batalho pela vida, porque aqui já não se brinca. Deixa-me alinhar os cheques, analisar o que se passa. Não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha a minha casa. Deixa-me alinhar os cheques, analisar o que se passa. Não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha a minha casa. Sim, claro, vamos para um café. Pra semana só gana de gama, gana minha mente de agar, relaxa tranquilo, vira gangama, bom poder cuia minha mãe. O mundo derrota na lagamura, ali na volante, diga na caçada, certo, sem marido é amar. Deixa a linha, sonha chakras, que tem tempo, muito menos pagar. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Et pour la prochaine musique, il s'agit d'une dédicace. Donc une dédicace de Nolan pour son parrain et sa marraine pour leur dire qu'il les aime. Qu'il les aime fort. C'est ça ? C'est ça. Et du coup, la musique, nous allons écouter une musique de NASA. 1, 2, 3, soleil. Pas dans le détail, tu veux ma part, mais dans tes rêves. On dit quoi? Je rappe à garde la pêche. Gucci, Fendi, je me prends pas la tête. Je suis avec mes stars là, elle veut venir à ma table. Où veux-tu qu'on aille? Je veux rester dans le club. Ok, s'en va, et puis on voit à ta santé. Ok, s'en va, et puis on voit à ta santé. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. Ici, c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous ramène monsieur l'argent. C'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous ramène monsieur l'argent. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. J'allume la pète, j'suis bon comme ça. J'embrasse le compas et quand j'arrive, je blinde la salle. On arrive par derrière et la sécu libère le passage. C'est moi qui mène la danse, c'est la débauche qui gère le cassage. Raconte pas tes salades, tu peux pas financer. J'suis dans les merdes, tu veux faire l'ancien. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garage. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garage. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. Ici, c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous ramène monsieur l'argent. C'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous ramène monsieur l'argent. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. C'est pour nous le moment de vous laisser, de vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie. On se retrouve dans 15 jours du coup. Tout à fait, dans 15 jours, car notre émission c'est tous les mercredis sur deux, à la même heure, de 16h à 18h. Donc on espère vous y retrouver, nous refaire passer un très bon moment. J'espère que pour toi Lola, ça a été une très belle première émission. Ça a été une très bonne expérience. Avec un petit peu des problèmes au début, mais c'est ça le défi qu'on fait tous les jours. Oui, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages du coup. Oui, comme dit Lola, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages. Facebook et Instagram, on a créé un compte pour notre émission du coup, qui est nommé avec-du-bas, vous-du-bas radio. Et c'est là où on postera tous nos sondages, nos publications, et aussi des publications qu'on fera aux événements, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça. Les événements comme le 3 février qui arrive avec le concert de Zéamad. Donc on se dit à très bientôt, donc mercredi prochain, mais pro-prochain. Donc à la même heure, de 16h à 18h. Et n'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les informations sur nos pages Facebook et Instagram. On se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Et une petite information, on écoute du coup la Gozadera. Sano.